zerwe kwa nyenyi sikwe kuna maini eni vele jolo yerele mela kolo kei nyemiyo seke kedi mire oke keto ye Les petits génies ont reçu les cadeaux de Noël.